Qui est cet homme? Tout le monde l'appelle, tout le monde lui parle. Tu le connais? Bien sûr. C'est le nouveau maire du quartier. On le rencontre souvent au marché. C'est incroyable. Les gens lui posent des questions, il les écoute et il leur répond toujours en souriant. Oui, et regarde. Il prend les enfants dans ses bras, il les embrasse et toutes les femmes lui sourient. J'ai quand même l'impression qu'il y en a qui le détestent.